Je m'envole vers les étoiles et s'il vous plaît m'oubliez pas. Je veux pas que mes gosses refassent mes erreurs, marcher dans mes pas. J'ai perdu trop de mon temps à faire comme si tout allait bien. Faut que je profite de chaque seconde ici auprès des miens. Je ressens le besoin de leur dire que je les aime à la mort. Personne dira que durant ma vie on m'a mis à l'amende. Je suis un requin, y a pas assez d'espace dans la mare. C'est vos potins qui m'ont souvent ramené dans la merde. Le rap c'est chaud, je compte pas là-dessus pour faire les love. Non non, c'est pour ça que pour rentrer la caillasse moi j'innove. Ouais ouais, j'ai beaucoup de connaissances, pas beaucoup d'amis. Car frérot depuis ma naissance, peu à peu je crame leur manie. Tout ça m'a saoulé, je nage à contre-courant, la tête sous l'eau. Rare que tu me vois sourire, je bois la taille de Jack au goulot. Une larme de sky pour nos morts, je verse des rivières sur le bitume. Je taille dans le sud mais je perds pas le nord, la tristesse une habitude. Je me suis couché tard, je me suis levé tôt car j'ai des problèmes d'insomnie. Faut que je me barre avant de baisser le rideau, écoute ma symphonie. Quand la chance se présente, la malchance elle vient m'assommer. Je glisse sur la pente, je sais pas si j'atteindrai le sommet. Et toute ma vie j'ai fait la coursette à la gloire. J'espère que sur les actes que j'ai commis, mon Dieu me fera un avoir. J'ai gardé la foi et j'ai rien chez là, même si je suis à deux doigts de serrer. Des fois je me retourne sur le passé, je me dis qu'on vit dans une série. Va trop vite et maintenant je me rends compte que tout est éphémère. Moi je suis poli mais y'a des fois je lâche des larmes putain de sa mère. On verra bien la suite, tu peux confiant car toute chose a une fin. Noyé dans un puits plein de rap conscient, j'ai les crocs, j'ai trop faim. Et dans la nuit la plus totale, j'aperçois enfin la lumière. J'entends un bruit qui court mais j'écoute pas ce qui font les rumeurs. C'est moi qui pilote. Alors accrochez vos ceintures, je vous emmène sur une autre planète et on se barre sur Saturne. Je voudrais dire à mes frères, je leur dis pas trop que je les aime, mais c'est parce qu'on a grandi dans un climat rempli de haine. Toujours du mal à dévoiler mes émotions, je lâcherai des larmes sur le marbre, je suis quand même rempli de dévotion. Comme Astérix, j'ouvre la taille et je bois la potion, parce que je sais que quand je vais dead, on me rendra pas la caution. Je suis pas du genre à remuer les maracas, déterminé, je voudrais finir ma vie sur Caracas. Dans le rap ça fait la manche comme devant le Maracana. Faites pas les fous, j'ai vu qu'il y en a beaucoup qui font les canards. Les fantômes du passé présents à mes côtés. Seul dans l'obscurité, j'irai les écouter. Une bouteille devant le feu, je regarde les flammes danser. Je me demande si je suis fou ou si je suis trop sensé. J'ai frotté la lampe d'Aladin pour exaucer mes vœux. Tous les soirs j'en perds mon latin, dans ma tête on est deux. Y'a mon démon qui me chuchote de repartir tout baiser. Et y'a mon ange qui me dit que dans mon cœur je dois m'apaiser. J'ai le même sourire que le Joker, aucun fossoyeur. J'ai joué mon amour au poker, brosson comme The Wire. Hey, et sur le bitume on pète des canines. Crois pas ceux qui te disent que la rue est câline. Je me sens serré comme une balle dans un calibre. Y'a zéro gloire à vouloir jouer les caïds. Et ma gueule moi perso j'ai jamais glorifié la rue. Qu'une abeille de plus qui ramenait son nectar dans la ruche. Et le soir je regarde les étoiles et je bute la vodka russe. Plus d'espoir j'ai perdu mon âme dans un vol à la russe. Eh frérot c'est qu'une question de temps avant que tu perces. J'ai pas attendu pour te dire que le rap je le baisse. Envoie les billets, arrête de me jeter la pièce. J'ai rien mendié, tout ce que j'ai pris moi je l'acquiesce. Et je dors les yeux ouverts assis dans mon plumard. Pour moi quand le feu il est rouge il est vert, vas-y poteau démarre. T'es pas trop sûr de toi donc tu casses la démarche. Eh, hey, si t'as pris l'ascenseur on a grimpé les marches. Les flashbacks que j'ai envahissent mon cœur de pierre. On parle jamais chez nous parce qu'un homme c'est trop fier. Les flashbacks que j'ai envahissent mon cœur de pierre. On parle jamais chez nous parce qu'un homme c'est trop fier. Raison.